Chapitre 8, Paris, 25 décembre 1845. Monsieur, je vous envoie mon dernier rapport sur le sieur Hégésippe Vanier. Une lettre, à la même adresse que la première et que j'ai surprise de la manière que vous saurez plus loin, va vous apprendre comment j'ai décidément terminé ma tâche. Voici cette lettre. À l'heure où tu liras cette lettre, j'ai pris mes mesures. Tout sera irrévocablement fini. On dira que, devenu fou d'impuissance, j'ai recouru au suicide. On dira peut-être la vérité, car je crois qu'un homme ne peut mourir qu'il n'ait produit tout ce qu'il avait à produire, qu'il ne soit plus, pour ainsi parler, qu'un sac vide. Cependant, jamais je n'eus plus de santé et d'énergie, jamais des facultés plus saines, jamais je ne me suis senti plus voisin du but qu'à cette heure où je m'en vais. Ce serait le cas de s'écrier « Fatalité !» J'aurai mauvaise grâce, je ne commettrai point cette sottise. Enrayé par le besoin, provenu en partie d'une maturité trop tardive, j'ai échoué. Je pouvais tout aussi bien me trouver mûr juste au jour où la misère est venue s'asseoir à ma porte et réussir, et la fatalité devenait destinée. D'où, avec raison, destinée, conscience, a dit un Allemand, deux mots pour une même idée. Fatalité, préjugé funeste contre lequel l'homme doit faire rage. L'être assez malheureux pour y croire ne tarde pas à être frappé de vertige. Il se tord lui-même les entrailles quand il est convaincu de succomber sous la puissance d'un destin inexorable. D'ailleurs, je ne suis pas libre de reproches. Il fallait, moins absorbé dans mon travail, moins âprement préoccupé du but, consacrer un temps à l'étude de la vie. Solitaire, je me suis fait le centre d'un cercle d'idées absolues, quand il n'est possible en pratique que les idées relatives. L'homme assuré contre la faim peut seul, et encore, suivre inflexiblement la ligne droite, se dispenser de mensonges, n'obéir dans l'expression de ce qu'il sent et pense qu'à l'influence de sa conviction. Au nécessiteux, le machiavélisme n'est pas moins nécessaire que le talent. Pour s'établir dans ce monde, il faut y paraître établi. On ne tombe pas sous le coup d'un article du Code pour un peu intriguer, un peu mentir, un peu mendier, voire un peu voler. Faute de souplesse, je me brise. Je ne profère d'imprécations contre personne. J'ai rencontré nombre d'hommes de cœur. J'en connais un, entre autres, d'un caractère ferme et loyal, d'un esprit élevé, d'un grand talent, d'un jugement rare, à qui j'eusse de bon cœur ouvert mon âme. Mais, précisément parce qu'il est ainsi, pour en avoir été bien traité, pour l'estimer profondément, à ses yeux moins qu'à ceux de tout autre, jamais je n'eusse consenti à manquer de dignité, à me faire mendiant. Dieu connaît seul quelle était ma profonde passion de vivre. Que je ne regrette pas amèrement la vie, cela est impossible. N'y aurait-il que toi avec qui je comptais vivre un jour? Et Louise, pauvre fille, qui nous eût créé un intérieur si plein de charme, ne songerais-je qu'à ces peintures éblouissantes qui m'enivraient, à ces symphonies sublimes qui me causaient des joies ineffables, comment ne serais-je pas abîmée dans l'affliction? Si seulement il m'eût été possible de me cacher en ce monde, de m'enfuir dans quelque lieu comme dans un tombeau, j'eusse été, simple machine aimante, en quelque ferme ou à quelque coin de rue, offrir le service de mes bras. Cela ne peut être. Suppose-moi, au fond de la Sibérie, ou en Chine, ou en Amérique, chez les sauvages, eh bien, je ne sais par quel hasard, à une heure donnée, il passera un homme qui m'a connu et s'en ira dire où et comment je vis. Et de cela, je ne pus jamais supporter l'idée. S'il n'est pas vrai toujours de dire que « passé oblige », au moins est-il sûr que celui qui a vécu dans un milieu intellectuel, qui a laissé s'accréditer sur son compte certaines idées, ne peut pas, dans ce même milieu, ou dans tout autre où on pourrait le découvrir, consentir à descendre au niveau de l'idiot ou du cheval borgne. Je ne prétends point donner ma mort en exemple, je ne songe pas davantage à la justifier, mais je voudrais que l'analyse de ma vie, la note de mes travaux incalculables, le récit des douleurs atroces qui m'ont conduit à me détruire, parvinssent partout où il y a des hommes vraiment pères. Si l'on pouvait connaître une fois pour toutes ce que vaut cette vie isolée, privée des joies de la famille, murée dans la haine ou l'indifférence, grosse de terreurs et de doutes, et qui, la plupart du temps, n'aboutit qu'à la misère et au désespoir, si l'on pouvait enfin se convaincre combien celle du paysan ou de l'ouvrier est belle à côté, combien, après tout, il est préférable de respirer l'air à plein poumon dans les champs, ou même de s'étioler dans un étroit espace, de conduire une charrue ou de manier le rabot ou la lime. Mais je ne dois laisser aucune trace. Je suis comme un fruit vert qu'un coup de vent arrache de l'arbre. Je n'ai pas écrit 100 lignes jusqu'à ce jour que j'eusse volontiers signé de mon nom. J'ai brûlé tous mes papiers, projets, ébauches, manuscrits informes, idées décousues. Je ne laisse rien. Et probablement, il ne sera plus question de moi dans 8 jours. Du moins, on laissera mes cendres en paix, et mon ombre ne sera pas troublée par quelqu'un de ces généreux personnages qui prennent le tombeau des morts pour piédestal de leur colossale et indécente vanité. Adieu, ami bien-aimé. Ou plutôt au revoir. Je m'en vais dans la mélancolie, mais aussi dans la résignation et l'espérance. Quand, après une jeunesse privée de ses joies, arrive l'âge mûr sans sécurité et sans considération, que reste-t-il en perspective, sinon une vieillesse isolée, misérable, maudite? Je ne perds donc pas grand-chose. Je ne fais que devancer une heure qui, tôt ou tard, sonne pour chacun. L'homme a le tort de vouloir oublier un fait inévitable qui console et moralise. La mort, somme toute, n'est qu'une fontaine de jouvence et, à ce point de vue, n'a rien d'effrayant. Peut-être, qui sait, me reverras-tu encore sous les traits d'un petit enfant, avec des bras pour te caresser et un cœur pour te chérir. Actuellement, monsieur, je reprends mon récit à l'endroit où je l'ai laissé. Le sieur Hégésippe n'a pas quitté sa chambre le 22. Je ne sache pas qu'il ait mangé en ce jour qu'il a employé, comme les précédents, à brûler des lettres, à ranger tout chez lui, à faire des paquets. Cette besogne l'a occupé jusqu'au soir. Sa chambre, dont le contenu, mis en lot étiqueté, était systématiquement entassé le long des murs, ressemblait en petit à la salle d'un commissaire-priseur. La nuit venue, je pensais qu'il allait dormir. À l'encontre de cette attente, il commença à écrire des lettres et me parut décidé à veiller fort tard. Je me couchai. Au jour, je m'aperçus qu'il avait passé la nuit sur sa chaise et la plume à la main. L'excès de sa fatigue se trahissait par une excessive pâleur et un grand désordre dans ses traits. On voyait aussi qu'il avait pleuré. Il plia et cacheta 3 lettres, y mit l'adresse et dormit environ 2 heures, le front dans ses mains et les coudes sur sa table. De temps en temps, il rêvait tout haut et proférait des phrases entrecoupées. Une fois même, il s'est réveillé en faisant un bond. Son visage exprimait une profonde terreur. Il a rappelé ses souvenirs et a souri, mélancoliquement. En le voyant prendre une des lettres et se disposer à sortir son chapeau, j'eus le pressentiment de ce qu'il allait faire. Je le devançai chez le concierge, où je m'assis dans le coin le plus sombre. Vanier y entra, en effet, bientôt. « Veuillez, dit-il, jeter cette lettre à la poste. Je n'ai pas le temps de sortir, j'ai beaucoup à faire chez moi. » Il déposa la lettre et une pièce de 2 francs sur la table et sortit. Je dis alors au concierge du ton le plus naturel, « Je vais précisément à la poste. Si vous ne voulez pas vous déranger, je ferai de bon cœur votre commission. » Cet homme ne demandait pas mieux. Je courus à mon autre domicile, je décachetai la lettre avec précaution et la copiai en toute hâte. Je fus promptement de retour à mon poste. Voici maintenant, minute par minute, les dernières heures du sieur Hégésippe. Je fus bien surpris, me doutant du dénouement, de voir ce Vanier prendre encore la peine de laver soigneusement le carreau de sa chambre, de défaire son lit, de retourner son matelas, de plier sa couverture en 4 et enfin de mettre des draps blancs. Non content de cela, ce qui est encore plus incompréhensible, il s'est aspergé d'eau fraîche selon sa coutume, s'est parfumé la tête et la barbe et a passé sa meilleure chemise. Je l'ai vu, ensuite, tourner 2 fois la clé dans sa serrure, boucher hermétiquement l'ouverture de sa cheminée et introduire des chiffons dans les interstices de sa fenêtre. Après quoi, il a tiré, successivement, les 3 fourneaux du placard et s'est appliqué à mettre le feu au charbon. Sa pâleur était livide. Ses mains tremblaient, De ses lèvres frémissantes s'échappait à tout instant ce cri « Mon Dieu, mon Dieu !» Sa passion d'ordre ne lui a pas laissé de repos, qu'il n'ait eu plié proprement ses habits et noué son linge sale dans une serviette. Pendant ce temps-là, les fourneaux s'allumaient et la vapeur de charbon remplissait la chambre. Le chat dormait en rond sur l'une des chaises. Vanier s'est mis alors à genoux et a prié mentalement avec une ferveur extraordinaire. « Ah, monsieur, mon état m'a souvent appelé dans les églises, mais j'avoue n'y avoir jamais vu une pantomime aussi merveilleuse. Bien des dévots eussent pu venir à mon observatoire prendre des leçons. Le sieur Égésippe a mis fin à sa prière en ces termes. « Mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains, mon Dieu, Seigneur en toutes choses, mieux que moi-même, vous connaissez cette âme. Pardonnez-moi, ô mon Dieu, je pars pour rester digne de vous. » J'étais haletant, monsieur, et vous le comprendrez. L'attention m'arrachait les yeux. Il s'est enveloppé dans ses draps comme dans un suaire. Les fourneaux étaient déjà presque ardents. Des flammes blanches et bleuâtres se promenaient sur les charbons rouges. Ces charbons pétillaient à la manière des gens qui jouent des coudes pour avoir de la place et lancer des étincelles, vraies paillettes d'or enflammées. C'était réjouissant à voir. Malgré moi, je songeais aux flammes si jolies du punch. Vanier passait du rouge au blanc et vice-versa. Ses yeux roulaient machinalement dans leurs orbites. Le chat s'est tout à coup réveillé. Il a ouvert un grand œil plein de frayeur. Il a fait le tour de la chambre, en vue évidemment de trouver une issue. Il s'est mis à hérisser ses poils et à faire des bonds. À ses miaulements plaintifs, Égésippe s'est ranimé. « Pauvre bête » a-t-il dit, « je t'oubliais. » Il s'est levé, non sans faire d'effort, et, chancelant comme un homme ivre, est allé entr'ouvrir la porte. Le chat s'est échappé comme une flèche, il poussait des cris déchirants à faire croire qu'il appelait au secours ou voulait donner l'éveil. Il a parcouru ainsi toute la maison. Sa voix lamentable s'est graduellement perdue dans le lointain. On ne l'a pas revu depuis. Les fourneaux étaient rouges, un brouillard épais obscurcissait l'air. Vanier toussait fréquemment, sa respiration devenait courte, il étouffait. Sa peau ne discontinuait pas de changer de couleur et de prendre, tour à tour, des teintes rouges, noires, blanches, violettes. À ce moment, on a frappé légèrement à la porte. Vanier entendit sans doute, car il fit un mouvement. Le heurt se renouvela, et une voix se fit entendre, voix aussi douce qu'une musique. « Égésippe ! Égésippe ! C'est Louise !» Vanier a un peu soulevé la tête et a dirigé ses yeux vers la porte. Un regret a horriblement contracté son visage. Il a ouvert la bouche, a essayé de parler, et la voix a expiré sur ses lèvres entrouvertes. Il a réuni toutes ses forces pour se lever, et ses membres, déjà roides, ont refusé d'obéir. C'était tellement horrible que, moi, qu'on ne taxera pas de sensiblerie, j'ai failli m'attendrir. La tête est retombée lourdement sur l'oreiller, il était en proie à l'agonie. Comme des ombres funèbres, des nuages de sang noir passaient et repassaient sur son front. On ne voyait déjà plus que le blanc des yeux, dont la prunelle discontinuait de s'agiter follement pour disparaître sous la paupière supérieure. Son râle battait une mesure de plus en plus précipitée, il ouvrait la bouche grande, une mousse rose venait à ses lèvres et sortait de ses narines par petits flocons. Puis, tous ces symptômes de convulsions internes s'effacèrent graduellement et les muscles contractés du visage reprirent peu à peu l'expression du calme. Enfin, quelques soupirs, analogues à ceux d'un soufflet sans âme, et je ne vis plus rien remuer. J'entendis les pas de la jeune fille qui s'éloignait. Je ne pouvais pas me compromettre en la rappelant. D'ailleurs, à mon sens, la mort de ce Vanier était un bien et non un mal. C'était le cas ou jamais d'agir comme à l'égard des repris de justice. À quoi bon intervenir s'ils sont très gorges? C'est autant de besogne de moins pour nous, pour les juges et pour le jury. Je n'ai pas pensé qu'un homme de cette sorte méritât de la pitié. Il s'est fait justice lui-même. J'ajouterai que mes instructions me faisaient simplement le devoir de le surveiller, et non celui de lui sauver la vie. Au moment de fermer ce rapport, je reçois l'ordre formel de quitter mon poste et de me tenir prêt à une nouvelle mission. Il me reste, monsieur, à me recommander à vous. On aura égard, je l'espère, à l'intelligence que j'ai déployée dans ce beau travail. Ce qu'il m'a fallu de patience et ce que j'ai enduré de fatigue est inappréciable, sans compter des cours interminables à travers Paris, et cela durant des jours entiers. J'ai dû quelquefois rester des 24 heures sur ma chaise, sans bouger plus qu'un terme, l'œil au trou, la plume à la main, et n'ayant, pour me soutenir, d'autre nourriture qu'un peu de tabac dans ma bouche. Ma vue s'en est affaiblie et mon estomac en est tout dérangé. Je suis bien, en outre, l'Hercule de l'économie. Je gage que, depuis les 7 semaines environ que cela dure, je n'ai pas dépensé 700 francs, tout compris. On pèsera toutes ces considérations et l'on trouvera légitime, j'en ai la confiance, le désir d'avancement que j'ose manifester. Je compte d'honorables services et je doute qu'on découvre au monde un homme plus amoureux que moi de son état et qu'il exerce avec une aussi profonde conscience. Enfin, je n'ai jamais failli à l'honneur et je compte bien vivre perpétuellement dans ces bons sentiments.